Français avec Pierre, cours pour débutants complet. Leçon 3. Audio A. Les sons du français. A. Chat. E. Éléphant. E. Chèvre. E. Grenouille. I. Tigre. O. Dauphin. O. Crocodile. U. Autruche. Ou, souris. E, paresseux. E, écureuil. En, serpent. Un, lapin. On, cochon. Ya, papillon. Wa, poisson. We, huître. Ba, baleine. Ka, caméléon. Da, dragon. Fa, phoque. Ga, gorille. Ja, girafe. La, lion. Ma, mouton. Na, rhinocéros. Pa, panda. Ra, renard. Sa, singe. Za, zèbre. Ta, tortue. Va, vache. Chat, chien. Nia, araignée.